franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Pierre Dac, un comique à Londres, écrite par Léo Kesten, réalisée par Catherine Lemire. Pierre Dac, une œuvre, une vie traversée par les grands événements de l'histoire, que ce soit la Première Guerre mondiale, où il fut grièvement blessé et où il perdit son frère, ou la Seconde, où son rôle fut très actif. Le 31 octobre 1943, Pierre Dac devient officiellement, au micro de la BBC à Londres, l'un des Français qui parlent aux Français. Pendant 9 mois, à travers ses éditoriaux et ses chansons, il va combattre l'occupant à coups de polémiques qui vont atteindre leur cible. Il contribue, à sa manière, à remonter le moral de ceux qui, de l'autre côté de la Manche, espèrent en une victoire prochaine des Alliés. Écrivain, poète, humoriste, créateur du journal satirique L'Os à Moelle, auteur du célèbre Signé Furax et de bien d'autres feuilletons radiophoniques, Pierre Dac a laissé une œuvre protéiforme qui montre combien, pour ce grand écorché vif, le rire fut une affaire sérieuse. Pour nous raconter la vie de Pierre Dac et nous aider à comprendre cette phrase de Raymond Devos, « Pierre Dac incarnait la part du fou », disait-il, nous avons invité Jacques Pessis. Neveu adoptif de Pierre Dac, Jacques Pessis est journaliste, écrivain, scénariste, réalisateur, boulimique. Il a fait de la radio à RTL, à RMC, de la presse écrite, Le Point, Le Figaro, du théâtre, du music-hall. Il est enfin producteur et réalisateur de documentaires. Il écrit de nombreux livres également sur Pierre Dac, dont « Pierre Dac, mon maître 63 » chez François Bourin en 1992, « Le club des loufoques » et « Y a du mou dans la corde à nœuds » chez Julliard en 94 et 95, ainsi « Carrière pensée, Maximes inédites » au Cherche-Midi en 1998. Ses titres de gloire, président du club des croqueurs de chocolat et légataire universel de Pierre Dac. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pierre Dac, de son vrai nom André Isaac, est né le 15 août 1893 à Châlons-sur-Marne, appelé aujourd'hui Châlons-en-Champagne. « À votre santé », dirait l'humoriste, qui ajouterait toujours à propos du champagne, « Comme on verrait vite, je le plains. Plein avec un A. Quand il est plein, cette fois avec un E, je le vide. » Pierre Dac, un amoureux des mots, un cocasse, un loufoque, un patriote qui a été blessé durant la Première Guerre mondiale. Que faire après l'armée? Vaste question à laquelle le jeune homme ne parvient pas à répondre. Et de marcher jour après jour, sans but précis, des pas qui le mènent en 1922 jusqu'à la place du Tertre, à Paris. Il éclate de rire lorsqu'il entend des chansonniers annoncer le plus sérieusement du monde que des sportifs vont traverser Montmartre à la nage. C'est dit, il sera, malgré sa timidité maladive, chansonnier. Il réussit à se faire un nom grâce à son humour décalé. Sa notoriété le conduit au micro des stations de radio, alors en plein essor. Il crée et anime des émissions totalement déjantées. Mais la Seconde Guerre mondiale mettra pour un temps un terme à son ascension. Juif, il lui faudra fuir devant la progression de l'armée allemande. Dinah Gerville, sa compagne depuis 8 ans, tente de l'en convaincre. Tu fais la gueule? Tu n'en es pas la cause. La situation internationale? Mais c'est pas possible. On va pas laisser les Boches nous envahir sans réagir. Albert Lebrun, Paul Reynaud et tout son gouvernement tiennent pourtant des propos rassurants. C'est en tout cas ce que j'ai entendu à la radio. J'ai suffisamment travaillé à Radio Cité et au Poste parisien pour savoir écouter entre les lignes. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes de ces pouces mégots qui ferait mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Abattu, mais en verve. Je reviens à l'instant du Poste parisien, où des collègues de confiance m'ont glissé à l'oreille que la progression de l'armée allemande était foudroyante et que la direction avait censuré cette information. Ah ? On muselle déjà la liberté ? Tu ne crois pas si bien dire. Je suis sûr que les Allemands ont déjà franchi la Somme et qu'ils lancent maintenant une offensive en Champagne. C'est 14 qui recommence, avec tout son lot de malheurs. Tu penses naturellement à ton frère ? Il n'est pas un jour, pas un où je ne pense pas à Marcel, fauché par un obus allemand, alors qu'il n'avait que 28 ans. Mais mes larmes accompagnent aussi tous ces Français qui ont déjà tant souffert et qui vont replonger dans l'horreur, l'indicible, l'abominable. Je te connais, Pierre. Tu ne me dis pas tout. À l'éternelle et triple question, toujours demeurée sans réponse. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ai toujours répondu, je suis moi, je viens de chez moi, et j'y retourne. Mais c'est où, mon chez-moi, alors que je ne suis plus mobilisable, trop vieux, juif et patriote de surcroît? Tu ne me dis pas tout, Pierre. Je n'ai pas envie de prendre la fuite. C'est si grave que ça? Te souviens-tu du mot que j'ai inventé pour parler des Allemands? Schle, oui. Et alors? J'en ai fait un superbe poème. Je m'en souviens. Je vais me faire schle. Et j'aurai, je l'espère, des enfants si nombreux qui défileront tous devant moi à la queue schle schle. Je vais me faire schle. Mais que le gouvernement ne soit pas trop hâtif de conclure qu'étant schle, je resterai inactif. Car, foi de schle, je reviendrai à Paris avec quelques schle frais et je dirigerai moi-même le parti schle français. Où veux-tu en venir, Pierre? Henri Janson du Canard Enchaîné m'a dit que la Gestapo avait établi une liste de juifs à arrêter en priorité dès que l'armée allemande aura envahi Paris. Je figure sur cette liste, sous le nom d'André Isaac, un juif certes, mais français avant tout. Un français qui a eu l'outrecuidance de se moquer sans cesse d'Adolf Hitler. Mais c'est par cela que tu aurais dû commencer. C'est que l'idée de partir lâche le basse m'est tellement insupportable. Au fond, je n'en ai aucune envie. Vraiment aucune. Pourtant, il le faut, Pierre. Tu le sais bien. Dina. Oui? Je n'aime pas te voir pleurer. Deux valises, ça devrait suffire, non? Autant ne pas s'encombrer. L'ami Fernand Rosna, qui vient d'être incorporé, m'a confié les clés de sa maison de campagne en Bourgogne. Ensuite, nous irons à Toulouse. Au-dessus du café que tient maman, il y a un petit appartement. Elle sera ravie de nous loger. Bon. Je vais jeter quelques affaires dans les valises. Petite annonce. Travailleur du chapeau se recyclerait dans chaussures à son pied. Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne. Le maréchal Pétain, réfugié à Bordeaux, est chargé de former immédiatement le nouveau gouvernement. Le lendemain, après avoir pris contact avec l'occupant, il annonce à la radio la capitulation de la France. Pierre Dac, persuadé que les Allemands sont là pour longtemps, sinon pour toujours, est terrassé. Il ne mange plus, il ne dort plus. Jusqu'au jour où il apprend qu'un inconnu au nom prédestiné, le général de Gaulle, au micro de la BBC à Londres, appelle tous les patriotes à résister à l'envahisseur allemand. Il a dit « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». C'est courageux, non? Tu as pu écouter l'intégralité du discours de ce général? Oui, grâce à un fidèle client du café, un passionné de radio. Tu sais, Dina, j'ai réfléchi. À 47 ans, je peux être encore utile à la patrie. Ma place est à Londres, au micro de la BBC. Je vais rejoindre le général de Gaulle. Avec quel argent? Nous n'en avons plus, tu le sais. Je vais remonter sur scène et accumuler des cachets. Bonne idée. Cela nous donnera en plus de quoi vivre tous les jours. Maman a le cœur sur la main, mais tout de même. J'ajoute qu'ici, en zone dite libre, je ne risque rien. Disons, presque rien. À condition de mettre un peu d'eau dans ton vin. Ne t'inquiète pas, j'utiliserai de l'eau de Vichy. À la bonne heure. Je vais chercher un contact pour organiser mon départ à Londres. Et un beau matin, je trouverai sur la table de la cuisine un petit mot. Ainsi libellé. Mon amour, je suis si triste de devoir te quitter. Mais la défense de la patrie exige que je parte là où tu sais. À mon retour, je t'épouserai, si tu veux toujours de moi. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, Pierre. Entrez. Vous en avez mis du temps, monsieur Dac. Monsieur le directeur, si vous saviez à quel point je suis content d'être enfin arrivé à Londres. Asseyons-nous, voulez-vous ? Les Pyrénées, l'Espagne, le Portugal, Gibraltar, Alger, pour finir enfin sur ce fauteuil C'est surréaliste, monsieur Duchesne. Merci de ne plus m'appeler monsieur le directeur, ni monsieur Duchesne. Jacques suffira bien. Pierre. J'ai eu de temps à autre des nouvelles de vos mésaventures par nos réseaux en France. J'ai mis presque 2 ans pour venir jusqu'à vous. Tout a commencé par l'escalade des Pyrénées. Vêtu d'un costume en alpaga, s'il vous plaît. Et chaussé, j'imagine, de mocassins alors que les sentiers que vous empruntiez étaient recouverts de neige. Oui, mais tout cela n'était rien à côté des prisons espagnoles où j'ai trop longtemps copi. Toute l'équipe de l'émission « Les Français parlent aux Français » est ravie de vous accueillir. Votre mission sera de combattre à votre manière la propagande nazie et collaborationniste. J'ai l'impression d'être un débutant. Vous êtes un grand professionnel et un patriote. Vous saurez dénoncer les atrocités que la Gestapo et les vichistes commettent jour après jour. Pourrais-je, à l'occasion bien sûr, avoir des nouvelles de ma compagne, Dina Gerville? Je vais voir ce que nous pouvons faire. C'est que... Dites. Oui, Pierre. Je voudrais pas que mes chroniques puissent la mettre en danger, même si la défense de la patrie dépasse de loin nos pauvres vies. Votre première chronique au micro de la BBC sera enregistrée le 30 octobre et diffusée le lendemain. J'ai donc 24 heures. Oui. Dans la guerre des ondes qui nous oppose à Radio Paris et à Radio Vichy, il vous faudra trouver un ton qui déstabilisera l'ennemi. Jacques Duchesne, alias Michel Saint-Denis, est le neveu de Jacques Copeau, le fondateur du théâtre du Vieux-Colombier. Très vite, le jeune homme devient le bras droit de son oncle, dont il propage à travers l'Europe les idées de rénovation théâtrale. À la dissolution de la troupe en 1935, Michel Saint-Denis fonde à Londres une école d'art dramatique, le London Theatre Studio. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirige l'équipe française de Radio Londres. C'est lui qui, au micro de la BBC, anime la chronique quotidienne « Les Français parlent aux Français », et ce, sous le pseudonyme de Jacques Duchesne. Il a pris ce surnom en souvenir du journal révolutionnaire « Le Père Duchesne », un journal publié à Paris de 1790 à 1794, qui fut pendant un temps le principal organe de presse de la Révolution française. Mais revenons à Pierre Dac, qui est en train de peser et de sous-peser chaque mot de sa première intervention au micro de la BBC. C'est pas bon, vraiment pas bon. Je dois changer mon style tout en le conservant. Ah, décidément, ça fait drôle de me sentir libre, sans menottes au poignet. Ah, toutes ces sensations, comment les mettre en ordre pour donner un peu d'espoir à ceux qui m'écouteront? Mes chers compatriotes, c'est pour moi une extraordinaire sensation que de pouvoir ce soir vous parler librement devant ce micro. Alors qu'il y a environ 2 mois, j'étais encore à méditer entre les 4 murs d'une cellule sur l'opportunité d'écrire une pièce de théâtre que j'aurais intitulée « L'homme d'intérieur malgré lui ». Ce qui démontre d'une manière péremptoire, absolue et définitive que la prison mène à tout à condition d'en sortir. Voilà, Jacques, mon introduction, et je continue ainsi. Je crois en la vertu du sourire. Avant la guerre, j'étais optimiste par définition. N'était-il pas normal que dans l'épreuve, je le sois devenu par conviction? Que ne peut-on cacher derrière un sourire? J'ai vu autour de moi des camarades partant pour le peloton d'exécution, le conserver au coin des lèvres, mettant ainsi dans ce dernier sourire leur suprême élégance. Pierre, vous avez à l'évidence trouvé le ton. Mais, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, c'est pour vous dire que je n'exerce aucune censure, absolument aucune. Vous, comme nous tous, devez en revanche soumettre vos textes à la BBC qui vérifie que vous ne divulguiez pas par inadvertance des secrets militaires. I understand. Je constate que vous parlez déjà couramment l'anglais. Et l'allemand aussi. La preuve dans l'histoire que je vais vous conter. Histoire que je dirai un de ces prochains jours à l'antenne. Ça se passe dans une école, quelque part chez les Cheleux. L'instituteur interroge ses élèves. Qui est ton père ? Demande-t-il au premier qui répond « Le Führer, Herr Professor ». « Bien, et ta mère ?»« la Grande Allemagne. Très bien. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Aviateur pour bombarder l'Angleterre. C'est parfait. Et toi, demande l'instituteur à un second élève. Qui est ton père? Le Führer est un professeur. Bon. Et qui est ta mère? La Grande Allemagne est un professeur. Sehr gut. Et qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Commandant de sous-marins pour torpiller les bateaux anglais. Das ist wunderbar. Et toi, demande l'instituteur à un dernier élève. Qui est ton père? Le Führer, Herr Professor. So, et qui est ta mère? La Grande Allemagne, Herr Professor. Et qu'est-ce que tu veux être plus tard? Orphelin. Aucun doute, vous avez un don pour les langues. Un dernier mot, Pierre. Je ferai un petit speech à l'antenne pour dire à nos auditeurs que vous avez rejoint notre équipe et qu'ils pourront écouter votre rubrique tous les soirs à partir du 31 octobre 1943. D'aucuns, dans le camp collaborationniste s'entend, ne vont pas manquer de s'écrier « Un loufoque à la radio de Londres, cette fois c'est complet » et de ricaner et de faire de fines plaisanteries en se mettant de grands coups d'eau de Vichy derrière la croix gammée, histoire de souligner le grotesque de l'événement. Depuis plus de 3 ans, mon existence a été celle de tous les Français qui ont estimé que l'ordre nouveau ne pouvait subsister que jusqu'à nouvel ordre. Celle aussi de tous ceux qui ont pensé que de concession en concession, les gens de Vichy finiraient par donner à la France une concession à perpétuité, pour ne pas dire une fosse commune. C'est pourquoi je donne aux collaborateurs le conseil désintéressé de rigoler un bon coup pendant le court répit qui leur reste imparti. Quand dans un jour prochain nous leur ferons avaler leur bulletin de naissance, il est infiniment probable que la rigolade changera de camp. Mes chers compatriotes, je ne voudrais pas terminer cette petite causerie sans vous dire la joie et la fierté que j'éprouve à me trouver au milieu de ceux qui composent l'équipe française de la radio de Londres et auprès desquels j'ai trouvé l'accueil le plus fraternel et le plus sympathique. Je leur ai dit comment, aux heures les plus noires, l'oreille collée à l'appareil récepteur en dépit des brouillages, nous captions leurs paroles d'espoir et de confiance qui nous ont fait tant de bien. Enfin, je voudrais dire à mes camarades de lutte qui sont dans les geôles de Vichy ou de la Gestapo que ma pensée ne les quitte pas. À demain. Je te fais à travers la vitre le V de la victoire. Donc ça allait? Mieux, ce serait pire. Radio Paris. Radio Paris. Radio Paris est allemand. Oui. Ainsi, mon jeune ami, c'est vous l'auteur du slogan « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Pour vous servir, monsieur Dac, sur l'air entraînant de la Cucaracha. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. En tout cas, mon cher monsieur Oberlé, c'est une rengaine qui agace prodigieusement les collaborationnistes. C'est fait pour. Bon. Que faisais-tu avant la guerre, mon petit Jean? J'étais illustrateur. Comment as-tu atterri à Radio Londres? Le hasard, qui fait bien les choses, parfois. Toujours est-il que je me suis trouvé à côté du général de Gaulle lorsqu'il a lancé son appel du 18 juin. Mazette, ça s'arrose. Au général. Ma chope est presque vide. Pit. Ici, on dit pit. Une pinte. Ah, je comprends enfin d'où vient le verbe se pinter. Je suis peinté. Faut que je stoppe. Dans une heure, j'enregistre ma chronique. Faut que je sois sobre, tu comprends. Toi aussi, tu les agaces, les vichycistes et autres gestapistes, avec tes textes et tes chansons. C'est fait pour. Ils font bouche. Fini. Encore une que les cheveux n'auront pas. Pierre, j'ai une faveur à te demander. Ah, si c'est pour que je paye nos bières, sache que j'ai pas un penny vaillant en poche. Non, t'inquiète pas. Je voudrais simplement avoir la primeur de la chronique que tu vas enregistrer. C'est une interview imaginaire du maître d'œuvre de la politique de collaboration, de surcroît chef du gouvernement de Vichy. Monsieur le Président, comment ça va? Vous savez, Pour ce qui est d'aller bien, ça va plutôt mal. Et pour ce qui est d'aller mal, ça pourrait aller mieux. Arrangez ça comme vous voulez. Ouais, bien sûr, mais c'est curieux. Vous êtes tout humide, tout trempé. Ah bah oui, n'est-ce pas? C'est que depuis 3 ans, il a beaucoup plu. Alors je me suis un peu mouillé. Un peu? Vous êtes modeste. J'ai l'impression que vous êtes mouillé jusqu'au cou. Ah, monsieur Dac, c'est bien ennuyeux parce que je n'arrive pas à me faire sécher. Mais ne vous frappez pas, monsieur Laval. On vous arrangera ça avec une bonne corde. Bon, je m'arrête parce qu'il faut que je file. D'autant que j'ai rendez-vous juste avant mon enregistrement avec Jacques Duchesne. La prochaine fois, j'aurai plus d'un penny en poche pour nous régaler tous les deux. Chouette. Tu voulais me voir? Pour 2 raisons, oui. La première concerne Dina Gerville. Nous savons qu'elle est remontée sur scène. Le besoin de gagner sa vie, d'oublier un tant soit peu la guerre et ses privations. C'est ton ami Raymond Souplex qui l'a engagé aux 2 ânes. Le deuxième motif de ta convocation? Lié au premier. Tes interventions au micro de la BBC, chroniques, parodies, chansons, etc., sont extrêmement bien accueillies en France. Tous les rapports que nous recevons concordent pour exprimer la gratitude des auditeurs. Et je me suis laissé dire que le général de Gaulle, lorsqu'il a le temps de t'écouter, en sourit d'aise. Si tu en venais au fait, Jacques. Philippe Henriot vient d'être nommé secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Vichy. Un orateur redoutable. Exactement. Aussi, nous voudrions que tu diriges tes flèches plus particulièrement contre lui. Ce qui pourrait s'avérer dangereux pour Dina, n'est-ce pas? Oui. Le 7 janvier 1944, Philippe Henriot devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Vichy. Ex-journaliste, ex-député de Bordeaux, éditorialiste depuis 2 ans à Radio Vichy, il porte une haine farouche aux Juifs et aux communistes et représente un véritable danger pour la propagande alliée. Cet as de la rhétorique est surnommé le Goebbels français. Il est capable de faire grimper l'écoute de Radio Paris, même si son propos n'est absolument pas crédible. Pierre Dac multiplie les attaques contre Philippe Henriot. Le 10 mai 1944, ce dernier, au micro de Radio Paris, se déchaîne en évoquant les origines juives de l'humoriste. Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Kahn. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France, à part la scène de l'ABC, où il s'employait à abêtir un auditoire qui se pâmait à l'écouter? La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui? Cette apatride se moque de la France. S'il s'insurge contre les Allemands, ce n'est pas parce que ceux-ci occupent la France, dont il se moque, c'est parce qu'ils ont décidé d'éliminer le parasite juif de l'Europe. Philippe Henriot, furieux que je m'acharne contre lui, a déclaré au micro de Radio Paris ce que tu sais. Ignoble. Je retire ma réponse. Quand la pluie d'obus aura cessé. Prends exemple sur le flegme des buveurs britanniques. Les bombardements ont commencé alors que je me trouvais dans le taxi qui me conduisait jusqu'à notre pub. Malgré les obus qui explosaient tout autour de nous, le chauffeur ne bronchait pas. Arrivé à bon port, je lui ai dit « On a eu de la chance ». Et il m'a répondu « Yes, sir ». Tous les feux étaient au vert. Oh, j'aime ce peuple à plus d'un titre. Vas-y, je t'écoute. J'ai intitulé ma chronique « Bagatelle sur un tombeau ». Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons. Par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui par surcroît ne satisfait en rien notre curiosité. Pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et national-socialiste, je ne suis pas français. À défaut de Croix-Gamé et de Francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec mes loufoqueries. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Mais tout de même, je suis persuadé que les Français seraient intéressés au plus haut point si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire. 1. Le problème de la déportation. 2. Le problème des prisonniers. 3. Le traitement des prisonniers et des déportés. 4. Le statut actuel de l'Alsace-Lorraine et l'incorporation des Alsaciens-Lorrains dans l'armée allemande. 5. Les réquisitions allemandes et la participation des autorités d'occupation dans l'organisation du marché noir. 6. Le fonctionnement de la Gestapo en territoire français et en particulier les méthodes d'interrogatoire. 7. Les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l'anéantissement de la France. Tu as raison, Pierre. Peut-être me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Et ce disant, vous serez logique avec vous-même, puisque dans le laïus que vous m'avez consacré, vous vous écriez notamment « Mais où nous atteignons les signes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui ?» Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Après quoi, vous nous direz ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne. Oui, Pierre, oui. J'en viens donc à ma vision de la France. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche dans l'allée et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la huitième ou la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon. Fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la simple pierre, sous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France, à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée, Philippe Henriot. Mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. Tu m'as donné la chair de poule, Pierre. J'aimerais savoir dessiner, Pierre, comme tu écris. 48 jours après l'intervention de Pierre Dac au micro de la BBC, Philippe Henriot est abattu par la résistance. Il eut droit, le 2 juillet 1944, à des obsèques nationales en présence des autorités allemandes, de Pierre Laval et des membres du gouvernement et d'une cérémonie religieuse en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le D-Day, soit le 6 juin 1944, Jacques Duchesne présente au général de Gaulle tous les membres de l'équipe de l'émission « Les Français parlent aux Français ». Lorsqu'il aperçoit Pierre Dac, son visage s'éclaire d'un sourire. Il lui demande « Comment allez-vous ?» Ce à quoi l'humoriste répond « Bien, mon général, puisque je vous vois ». Pierre Dac a 51 ans lorsqu'il revient à Paris. Il se précipite chez lui et retrouve avec bonheur Dinah Gerville, qu'il épouse dans la foulée, comme il le lui avait promis quelques années plus tôt. Et puis il remontera sur scène, fera de la radio, beaucoup de radio, du cinéma, se liera d'une profonde amitié pour Francis Blanche et, dépressif, tentera de se suicider. Mais au final, c'est de sa période londonienne qu'il sera le plus fier. Et si nous laissions le mot de la fin à Pierre Dac ? Méditons ensemble sur l'une de ses pensées. Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé, tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé. C'était Affaires sensibles, Fabrice Drouel, Christophe Barrère. Pierre Dac, de Léo Kusten. Avec Jean-Luc Porraz, Pierre Dac, Catherine Sauval, Dinah Gerville, Olivier Chauvel, Jacques Duchesne, Jean-Paul Borde, Jean Oberlé. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Lydwine Caron. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Catherine Lemire. Now as he sits on the back of this gray caravan, tomorrow he'll probably be jumping the barriers with a bottle in his hand. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, walk out the door with her, he could see everyone. Dressed in black, her glasses seemed too far to fit. She said, look at you, look at you. Your game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop wasting time praying for more exposure. It is obvious that you're trying, and it's dubious, double you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Though it's not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you can hardly miss it. You can hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes, like fishes caught in ponds, thrown back for fun. She said, look at you, look at you. Why can't you just pick a flea? Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying, and it's dubious, double you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be buying. Not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. Veuillez écouter maintenant Bagatelle sur un tombeau. Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons, par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui, de surcroît, ne satisfait en rien notre curiosité, pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et nationale-socialiste, je ne suis pas français. À défaut de Croix Gamée et de Francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samuel. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierre Dac, un comique à Londres, notre invité Jacques Pessis, journaliste, écrivain, scénariste et réalisateur, neveu adoptif de Pierre Dac. Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Fabrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous soupçonne d'ailleurs, tout à fait gentiment bien sûr, d'y prendre plaisir, parce que parler de Pierre Dac, c'est agréable, surtout quand on est son neveu adoptif. Je peux vous poser une seule question personnelle. Oui. Comment êtes-vous arrivé à être le neveu adoptif? Je l'ai connu quand j'avais 15 ans. Mmh. Il a eu un coup de foudre pour moi. Il était le premier à croire en moi. Je suis devenu son secrétaire général particulier. Et comme il n'avait pas d'enfant, je suis devenu son neveu adoptif, parce que j'avais déjà un père. Et il disait toujours, il vaut mieux passer hériter à la poste que passer à la postérité. Je crois avoir démontré le contraire. Formidable. On citera quelques-uns de ses aphorismes, parce que évidemment, il a brillé aussi par les mots, et aussi par le courage politique, hein, le courage des idées pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais reprendre cette phrase à bord de Raymond Devos, qui disait de Pierre Dac, qu'il incarnait la part du fou. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? D'abord, Raymond Devos m'a toujours dit qu'il n'avait qu'un livre sur sa table de chevet, Les Pensées de Pierre Dac. Et c'est vrai qu'il y avait une communion dans les mots, et Pierre Dac allait au bout de sa folie dans la loufoquerie. Il est l'inventeur de la loufoquerie et des loufoques. Il disait toujours, le plus beau compliment qu'on puisse me faire en parlant de mes textes, c'est de dire c'est complètement fou, mais c'est vrai. Et c'est ça, Pierre Dac. Comment on fait pour reparler sérieusement de Pierre Dac? Mais Pierre Dac était un homme sérieux. Quand il écrivait, ça pouvait durer des nuits entières. Il cherchait chaque mot exact. On ne sait pas comme aujourd'hui, on fait un sketch sur un coin de table. Je me souviens un jour, il m'a dit une pensée que j'ai imaginée en 1926. En 1970, je l'ai encore modifiée parce qu'il fallait que je change un mot. Et il avait des feutres rouges et bleus et il faisait attention à chaque mot. C'était un littéraire, un poète, mais un poète dans la folie. Et comment travaillait-il avec vous? Il vous faisait confiance? Par exemple, il savait déléguer? Comment ça se passait? D'abord, il écrivait tout seul dans son coin. J'ai des tonnes de papiers parce qu'il écrivait à la main. La photocopieuse, il connaissait pas. Il recopiait à la main avec une écriture ronde reconnaissable entre mille. Et il délayait beaucoup. Et après, il fallait couper. Quand il a fait des feuilletons dont Bon Baiser de Partout à France Inter avec Louis Rognoni, moi j'ai vu des pages entières. Il fallait prendre 4-5 pages sur les 25 pour que le rythme du feuilleton soit conservé. Alors, évidemment, pour le public, il apparaît comme un homme éminemment sympathique, comme tous les humoristes, puisque leur fonction, justement, c'est de nous détendre, quelquefois de nous faire rêver, d'accéder au sérieux, d'ailleurs, aussi, hein, par le comique. Dans le privé, peut-être que ces hommes-là sont différents. Comment étaient-ils dans le privé? Alors Pierre Dac était un homme qui ne se mêlait jamais aux autres comédiens. En coulisses, il était toujours seul dans son coin, tranquille, il ne parlait à personne. Et il rentrait chez lui, retrouver sa femme. Sa femme qui était l'amour de sa vie, Dina. D'ailleurs, il lui a dédicacé son roman Du côté d'ailleurs en disant « À toi, ma Dina bien-aimée, sans qui je serais sans doute resté du côté de n'importe où ». C'était vraiment la femme qui le subissait, car Pierre Dac était dépressif pour deux raisons. D'abord, son frère était mort pendant la guerre. Mmh. il n'avait pas supporté. Pourquoi tant de haine? Et ensuite, après la guerre, quand il est revenu de Londres couvert de gloire pour avoir été l'un des Français qui parlent aux Français, les portes des radios se sont fermées. Pendant 3 ans, il a été au chômage. Il disait d'ailleurs toujours « Les véritables résistants sont les résistants de 1945 parce que pendant 4 ans, ils ont résisté à leur ardent désir de faire de la résistance. » Et ça l'a profondément marqué et il a eu une dépression qu'on n'appelait pas encore la déprime, qui ne se soignait pas. Et il m'a un jour expliqué que il y avait une sorte d'araignée dans le crâne et il fallait que cette araignée disparaisse. Et il a tenté quand même de se suicider à 4 reprises parce qu'il ne pouvait plus voir la terre. Et puis il s'est aperçu que c'était une bêtise et une personne l'a aidé à surmonter tout ça, c'est Francis Blanche, son véritable fils spirituel. On en reviendra d'ailleurs sur le grand sketch avec Francis Blanche, il peut le dire. Le tsar Rabindranath Duval où Francis Blanche est le professeur Papa Macavro Steno, constitué d'Argyropoulos, parce que le nom faisait une ligne sur la machine à écrire. Alors, on revient sur l'histoire de Londres, qui nous a intéressé, nous, pour la fiction. La fiction, ce sont des fragments de biographie, hein, et on s'est intéressé à ce rôle historique qui est vraiment important. Donc, on lui a fait confiance pour lutter contre les collabos, hein, notamment l'un des premiers d'entre eux, Henriot, le propagandiste du régime de Vichy. À ce moment-là, Dac n'était encore qu'un comique fondateur de l'Os à Moelle. C'est toujours... C'était le comique numéro un français. Voilà. Mais bon, quelle mission quand même? Qu'est-ce qui l'a poussé à accomplir cette mission, à y croire et à triompher, parce qu'il a triomphé dans cette mission-là? D'abord, il n'a pas entendu l'appel du 18 juin, mais il a en a entendu parler. Mm-hmm. Il a décidé de partir pour Londres immédiatement. Il lui a fallu 3 ans. Et pendant ces 3 années, il a connu 1 an et demi de prison dans les geôles espagnoles. Il avait traversé les Pyrénées à pied en plein mois de novembre avec un costume en alpaga. Et il avait dit d'ailleurs après, si Louis XIV s'était farci les Pyrénées comme moi, il n'aurait jamais dit il n'y a plus de Pyrénées. Donc il a vraiment voulu y aller. Et même à Londres, on ne voulait pas entendre parler d'un comique. C'était trop sérieux. Et finalement, Jacques Duchesne a craqué et a accepté. Et petit à petit, Pierre Dac s'est fait son trou à Londres. C'est-à-dire que ce qu'il avait imaginé dans le Loufoque est devenu quelque chose de polémique. Ça l'a marqué à vie. Et petit à petit, ses premiers sketchs sont des sketchs joyeux, rigolos, à peine polémiques. Mais à la fin, quand il attaque Philippe Henriot avec Bagatelle sur un tombeau, là, on est vraiment dans la haute polémique. Et c'est ce qui était le plus important pour lui. Je me souviens, après la guerre, chaque fois qu'il entendait la Marseillaise, il se levait, il enlevait son chapeau, il essuyait une larme. Donc il y avait de la gravité chez cet homme-là. Beaucoup de gravité. C'était un homme très sérieux, qui lisait Baudelaire, qui lisait Verlaine, qui vous parlait pendant des heures mathématiques. Il avait découvert les mathématiques à la fin de sa vie. Puis de temps en temps, il délirait. L'un de ses canulars favoris, quand on dînait ensemble, c'était d'entrer dans la conversation des autres à leur insu. On dînait par exemple tous les deux, et tout d'un coup, arrivaient 4 personnes à côté, et tout en parlant, il disait « Ça sort si qu'on arrive ?» Et puis les gens commençaient à parler d'un certain Jean, et il lançait tout en parlant « Quel con celui-là » En général, les gens ne finissaient pas le dîner, et moi j'avais beaucoup de mal à parier. Il avait un côté potage aussi. Ah, totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'il était capable des canulars les plus fous. D'ailleurs, il pleurait de rire avec ses yeux bleus quand il faisait une blague de potage. Et, mais en même temps, il y avait ce mélange d'écriture sérieuse et de folie. Justement, ben, parmi des pensées profondes qui ne cherchent pas le comique mais qui nous disent des choses, il y en a 2 ou 3 qui vous tiennent à cœur. Vous... D'abord, c'est difficile, hein, je sais. Non, mais il y en a une qui est un classique, c'est celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne. Oui, absolument. Ou quand on dit fermer la porte, il fait froid dehors, il fait toujours aussi froid dehors quand la porte est fermée. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites entendre ça à des jeunes qui n'ont pas connu Pierre Dac, ils éclatent de rire. Et pour moi, c'est ça, la victoire de Pierre Dac. Son humour, sa loufoquerie a traversé les générations. Jacques Plessis, avant de se séparer tout à fait provisoirement, à mon tour, je vais citer 2 ou 3 aphorismes. Maison, correction, recherche, faute d'orthographe. Moi, j'aime bien celle-là, je l'ai choisi. Ça pour les prévisionnistes météo, peut-être. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. J'adore. Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. Tiens, ça, c'est une gravité là-dedans. Hein. Oui, oui. Échangerait tante canadienne bon état contre oncle d'Amérique, même usagé. Voilà pour quelques aphorismes de Pierre Dac. On s'en offrira 2-3 autres dans quelques minutes. D'accord ? Avec joie. Un jour, Adolf Hitler, promenant sous le Dnieper, a dit, je vais vous montrer, j'ai du flair. J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Ma méthode est basée sur l'élasticité. Eins, zwei, drei, je vais vous l'expliquer. Chaque pas en avant doit être immédiatement suivi la chose éclair de 15 pas en arrière. Puis de manière adroite, l'aile gauche glisse sur l'aile droite. Pendant que l'aile droite est gauche, un virage sur l'aile gauche. Ah, ah, ah, ah, c'est le défense élastique. Ah, ah, ah, ah, y'a rien de plus chouette que ce truc-là. C'est non seulement génial, mais encore radical, et bien plus actif que le Véronal. L'astuce, de toute façon, est de donner l'impression, faire de la progression, arculons. Faut déployer de l'adresse, plus encore de souplesse, mine de rien, coûte au corps en vitesse. Quand une braise se produit sur un point du circuit, on fait une fissure qui colmate la fissure. Pour ne pas être accroché, suffit de se décrocher et d'opérer son repli avant que ça ne fasse un pli. Ah, ah, ah, ah, c'est le défense élastique. Ah, ah, ah, ah, y'a rien de plus chouette que ce truc-là. Défendre élastiquement nécessite constamment qu'on se garde derrière pour prendre les devants. Bref, l'avance dans le recul est un fameux calcul qui prouve bien que sans rien, tout est nul. C'est une formule heureuse qui permet, sans qu'on se creuse, d'annoncer une défaite victorieuse. L'offensive à l'envers, ça démontre à l'ennemi qui vous regarde de travers qu'on court plus vite que lui. À quoi bon se colter avec les bolcheviks? Vaut bien mieux les lâcher avec un élastique. Ah, ah, ah, ah, c'est la défense élastique. Ah, ah, ah, ah, y'a rien de plus chouette que ce truc-là. Jacques Pessis, heureux de vous retrouver pour parler de Pierre Dac. Alors, on va arriver dans les années 50, 52. Il écrit un feuilleton radiophonique en 213 épisodes, s'appelle Malheur au barbu, diffusé sur cette radio qui s'appelait à l'époque Paris Inter. Déjà, Malheur au barbu, rafraîchissez-nous la mémoire, s'il vous plaît, sur ce point-là. Et bien, Pierre Dac et Francis Blanche, qui travaillaient ensemble, étaient en vacances à Aise-Village et ils parlaient des romans populaires du 19e siècle. Et ils ont décidé d'écrire une parodie de Fantômas et d'Arsène Lupin. Pierre Dac a pensé au nom de Furax, et puis ils ont imaginé un envahisseur qui décide de dominer le monde et qui pour ça enlève tous les barbus pour créer une matière fabuleuse qui permettra de s'envoler dans l'espace. C'est totalement délirant, totalement avant-gardiste, et ça a donné le plus grand feuilleton radiophonique de tous les temps, Malheur aux barbus, qui a eu 213 épisodes, qui s'est arrêté parce que c'était une époque où les gens n'admettaient pas toujours la loufoquerie, et qui a repris ensuite sur une station périphérique pendant 4 ans, et qui est devenu tellement culte qu'en 1957, Guy Mollet, à l'Assemblée nationale, alors président du Conseil, se lève en plein débat et dit « Messieurs, je vous quitte, je vais écouter Furax ». Et c'est cet humour, donc, qui était moderne dans les années 50 et 60, il collait à son époque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un humour qui est daté, quelquefois on parle. Non, justement, c'est un humour intemporel. Moi, ce qui me fascine, c'est que Pierre Dac a toujours eu les jeunes avec lui. En 1938, quand Le Samoil se vend à 400 000 exemplaires, les lecteurs, ce sont principalement des jeunes dans les écoles et les lycées. En 1970, j'étais à ses côtés, il donnait des conférences à Polytechnique et à Centrale sur le Schmilblick et le Biglotron, car le Schmilblick... C'est lui qui l'a inventé. Évidemment. C'est il a trouvé le mot. Le mot est un sketch où les frères Jules et Raphaël Fauderche ont créé un appareil qui ne sert à rien et qui peut servir à tout, et qui n'a rien à voir avec le Biglotron du professeur slalom Jérémy Munerlach, c'est important, qui est un Schmilblick avec bidule. Bref, c'était des jeunes et centraliens et polytechniciens qui l'écoutaient. Et aujourd'hui encore, il y a les anciens, mais il y a beaucoup de jeunes qui découvrent avec bonheur les textes de Pierre Dac, parce que justement, c'est quelque chose de joyeux, de poétique, parfois de polémique, mais surtout toujours d'actualité. Alors, dans les années 55 jusqu'à 60, ses collaborateurs s'appellent Jean-Yann, Jacques Martin, ça c'est du beau monde et beaucoup de rire. Et surtout, René Goscinny. Alors, la proximité avec René Goscinny, ça devait quand même donner tout ça un bouillonnement intellectuel, drôle, fin. Enfin, Goscinny, on l'aime mais, tous. Mais hein. Goscinny débutait et Goscinny considérait que Pierre Dac comme son maître. Et dans L'os à moelle, il a créé les aventures du facteur Rhésus. Et les dessins étaient d'une débutante qui s'appelait Claire Bretéché. Et Goscinny a toujours dit d'ailleurs qu'il avait une passion pour Pierre Dac. D'ailleurs, si on écoute bien Furax, en 1956, il y a une planète sur laquelle se retrouvent nos héros qui s'appelle la planète Astérix. Eh ben oui. Est-ce que ça l'a inspiré? C'est une grande question. Intéressant. Et dans Astérix, on joue avec les mots. Hein. Astérix et les Normands, par exemple, partent du postulat que la peur donne des ailes. C'est merveilleux. Voilà. Bon, on joue avec les mots. On sent la patte gossino-dacquoise, je sais pas. Mais il y avait une vraie complicité, une vraie passion. Pierre Dac est quelqu'un qui ne se livrait pas, mais qui avait des disciples comme Francis Blanche. Vous savez, Pierre Desproges et Coluche sont des disciples de Pierre Dac. J'ai un jour présenté les deux à Pierre Dac. Et je ne sais pas quel était le plus ému. J'imagine. Desproges, Coluche, c'est intéressant. Parce que Coluche, moi, ça me fait penser à Mou. Bah, pas Coluche, hein, mais Mou. Qu'est-ce que c'est Mou? Tiens, dites-nous, Mou, alors, attendez, cette histoire, MOU, alors, le mouvement. Il se trouve que Coluche a été candidat aux élections présidentielles en 1980. Voilà, on en parle beaucoup, sauf que 15 ans avant, Pierre Dac, lui aussi, a été candidat aux élections présidentielles. C'est sur ce terrain-là que je vous amène, allez-y. Voilà. C'était la première élection au suffrage universel, et Pierre Dac, qui avait repris l'os à moelle, décide de créer un parti, le Mou, le mouvement ondulatoire unifié, dont la devise est « Les temps sont durs, vive le Mou ». C'est toujours d'actualité, je vous rassure. Et il fait une conférence dans un club à la mode qui s'appelle l'Élysée-Matignon. Il annonce que ses premiers ministres seront Jacques Martin et Jean-Yann, et que René Goscinny et quelques autres seront ministres de l'Intérieur. Alors, ça fait rire tout le monde, sauf l'Élysée. Et l'Élysée, à l'époque, on ne rigole pas du tout. Et Pierre Dac reçoit un coup de fil du cabinet du général de Gaulle, lui demandant d'arrêter cette plaisanterie. Or, Pierre Dac a un respect total pour l'homme du 18 juin. Et pour lui, il va arrêter. Il va simplement conclure à sa manière en disant « Écoutez, voilà, j'étais candidat, je représentais la Loufoquerie. Je constate que Maître Tixier-Vignancourt, qui représente l'extrême droite, est candidat. Il y a plus loufoque que moi, je n'ai aucune chance, je me retire. » Tixier-Vignancourt qui était l'incarnation d'une droite poujadiste. Hein, absolument. Comme ça. Et c'était donc en 65. En 65, absolument. On est passé à côté d'une belle élection. Bon. Vous avez vécu cet épisode-là, vous? Non. Non, non mais il me l'a souvent raconté. Et c'est vrai qu'il aurait sans doute été jusqu'au bout de l'élection, mais c'était le genre de canular qu'il affectionnait. Aujourd'hui, on est dans une époque où on ne fait plus de canular. Pierre Dac fait partie d'une époque où chaque jour avait son canular. Ah oui, mais vous faites bien de parler d'époque. Mais imaginez qu'aujourd'hui, on sorte malheur au barbu. Et le problème que ça pourrait poser. Mais bien sûr. Hein, donc on ne peut pas rire des mêmes choses qu'aujourd'hui. Rire des mêmes choses. Non, non, et même si le cinéma n'a rien à voir avec l'actualité, c'est évident qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas sortir certains textes que Pierre Dac avait sortis avant ou après la guerre. Vous qui êtes un homme de musical, vous pensez que c'est plus dur d'être un humoriste aujourd'hui qu'avant? Alors, c'est très différent. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques humoristes de talent, mais beaucoup d'humoristes Kleenex, qui estiment que écrire un texte sur un coin de table et le dire avec trois grimaces devant des spectateurs, c'est ça, c'est pas du tout ça. Le seul en scène ou le stand-up, comme on dit en bon français, pour moi j'y crois pas. Pierre Dac a mis des années à écrire ses textes. Ouais. Les grands humoristes ont mis des années à écrire leurs textes. Et résultat, ils sont toujours d'actualité aujourd'hui. Voulez-vous me dire, à part quelques-uns, dans la mémoire collective, qui reste de ces 15 dernières années dans les jeunes humoristes? Bien, écoutez, on va considérer que je suis plus doué pour poser des questions, pour y répondre, on va s'en sortir comme ça. Et puis on va se quitter sur deux citations, hein, parce qu'on on s'en lasse pas. La mort n'est en définitive que le résultat d'un défaut d'éducation, puisqu'elle est la conséquence d'un manque de savoir-vivre. Bon, un bon petit jeu de mots au passage, ça fait de mal à personne. Puis alors je vais prendre des risques. Hein. Je vais citer une pensée de Pierre Dac, qui est très très longue. On va essayer, c'est un exercice compliqué. Une femme mariée à un homme qui la trompe avec la femme de son amant, laquelle trompe son mari avec le sien, qui en est réduite à tromper son amant avec celui de sa femme, parce que son amant est son mari et que la femme de son époux est la maîtresse d'un homme déshonoré par l'amant d'une femme dont le mari trompe sa maîtresse avec la femme de son amant, ne sait plus où elle en est, ni ce qu'elle doit faire pour ne pas compliquer encore une situation qui est déjà suffisamment comme ça. Voilà. Et donc celle-là... Voilà, celle-là est compliquée. Et j'en ajouterai une pour vous remercier et en espérant vous retrouver. Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé. Tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé et tant que l'espoir demeure au niveau d'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer. Bravo, la différence entre Jacques Pessis et moi, c'est que moi j'ai lu et Jacques Pessis, lui, la connaît par cœur. Merci, bravo. Merci, et comme disait Pierre Dac, à la prochaine, si toutefois c'est là que vous descendez. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Pierre Dac, un comique à Londres de Léo Kesten. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Catherine Lemire. À la technique aujourd'hui, Enzo Labori, Julien Chabassu.